sur nous, des injures sur les pages qui raconteront nos jours. Au bout de chaque geste, il y aura toujours du danger. Puisqu'apprendre à aimer, c'est apprendre à se détester, à vivre des fleurs fanées, des heures noyées dans la tristesse, des oiseaux prisonniers. C'est dans la force et la faiblesse qu'on apprend à aimer, à vivre des fleurs fanées, des heures noyées dans la tristesse, des oiseaux prisonniers. Jusqu'à demain, jusqu'à demain.